Duel et coiffeur. Un homme va chez un coiffeur pour se faire couper les cheveux et raser la barbe. L'homme et le coiffeur commencent à parler. Ils parlent de choses et d'autres et touchent à divers sujets. Quand ils en arrivent au sujet de Dieu, le coiffeur dit « Je ne crois pas que Dieu existe. » « Pourquoi dites-vous ça ?» demande le client. « Eh bien, il suffit juste de sortir dans la rue pour vous rendre compte que Dieu n'existe pas. » Si Dieu existait, y aurait-il tant de personnes malades? Y aurait-il tant d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, on ne souffrirait pas autant? Je ne peux pas m'imaginer aimer un Dieu qui permettrait tout ça. Le client réfléchit un moment mais ne répond pas, car il ne sait pas quoi dire. Le coiffeur finit son travail et le client sort du magasin. À ce moment-là, il voit passer un homme dans la rue avec des cheveux longs, visqueux, dégoûtants. Il a l'air vraiment sale. Le client retourne alors sur ses pas et entre à nouveau chez le coiffeur en lui disant « Tu sais quoi? Les coiffeurs n'existent pas. » « Comment pouvez-vous dire ça ?» demande le coiffeur étonné. « Je suis là et je suis un coiffeur et je viens de couper vos cheveux, non ?» Le client hurle « Les coiffeurs n'existent pas, car s'ils existaient, il n'y aurait personne avec de longs cheveux sales comme cet homme qui est dehors. Ah, mais si, les coiffeurs existent. Mais ce qui se produit, c'est que ces gens ne viennent pas à moi. Exactement, affirme le client, c'est bien ça. Dieu aussi existe. Ce qui se produit, c'est que les gens ne vont pas chez lui et ne le recherchent pas. C'est pourquoi il y a tellement de douleurs et tant de souffrances dans ce monde.